Chapitre 15. Des mœurs, elles doivent être bonnes, convenables, ressemblantes, égales. Des dénouements artificiels. De l'art d'embellir les caractères. Quant à ce qui concerne les mœurs, il y a quatre choses à observer. Il faut premièrement qu'elles soient bonnes. Nous avons dit qu'il y a des mœurs dans un poème lorsque le discours ou la manière d'agir d'un personnage font connaître quelle est sa pensée, son dessein. Les mœurs sont bonnes quand le dessein est bon. Elles sont mauvaises quand le dessein est mauvais. Cette bonté de mœurs peut être dans tout sexe et dans toute condition. Une femme peut être bonne, même un esclave. Quoique d'ordinaire, les femmes qu'on met sur les théâtres soient plus mauvaises que bonnes et que les esclaves soient toujours mauvais. Il faut en second lieu que les mœurs soient convenables. La bravoure est un caractère de mœurs, mais elle ne convient point à une femme, qui ne doit être ni brave ni hardie. Troisièmement, elles seront ressemblantes, car c'est autre chose que d'être bonnes ou convenables, comme il a déjà été dit. Enfin, elles seront égales, et si le personnage imité a pour caractère l'inégalité, en traitant ce caractère, on le fera également inégal. On a un exemple de mœurs mauvaises gratuitement dans le Ménélas de l'Oreste, de mœurs non convenables dans les Lamentations d'Ulysse, dans le Sylla et dans les discours trop savants de Ménalippe, et de mœurs inégales dans l'Iphigénie à Aulis, car Iphigénie est faible et suppliante au commencement, et à la fin, elle est pleine de force et de courage. Le poète, dans la peinture des mœurs, doit avoir toujours devant les yeux, ainsi que la composition de la fable, le nécessaire et le vraisemblable, et se dire à tout moment à lui-même, « Est-il nécessaire ? Est-il vraisemblable que tel personnage parle ainsi ou agisse ainsi ? Est-il nécessaire ou vraisemblable que telle chose arrive après telle autre ?» Il suit de là, évidemment, que les dénouements doivent sortir du fond même du sujet, et non se faire par machine, comme dans la Médée ou dans le retour des Grecs de la petite Iliade. On peut faire usage de la machine pour ce qui est hors du drame, qui est arrivé avant l'action et que nul homme ne peut savoir, ou pour ce qui doit arriver après, et qui a besoin d'être annoncé ou prédit, car c'est la croyance des hommes que les dieux voient tout. En un mot, dans les fables tragiques, il ne doit y avoir rien d'invraisemblable. Sinon, il sera hors de la tragédie, comme dans l'Édipe de Sophocle. La tragédie étant l'imitation du meilleur, les poètes doivent suivre la pratique des bons peintres qui font les portraits ressemblants, et toutefois plus beaux que les modèles. Ainsi, lorsqu'un poète aura à peindre des hommes ou trop ardents ou trop timides, ou d'autres mœurs pareilles, loin de charger encore le défaut, il le rapprochera de la vertu, comme Homère et Agathon ont fait leur Achille. Ces règles doivent s'observer ici, et outre cela dans les parties du spectacle qui dépendent nécessairement de la poésie, car souvent on y fait des fautes. Il en a été suffisamment parlé dans les ouvrages qu'on a publiés sur cette matière.